Vous écoutez un balado du théâtre pour pas être tout seul, en collaboration avec le théâtre Premier Acte et CKRL. Pour une expérience optimale, nous vous suggérons le port d'un casque audio. Bonne écoute. Gamache? Qu'est-ce que tu fais à dormir dans le salon? Tu vois bien que je t'attends. Je m'excuse là, si on t'a réveillé. Tu vois là? j'ai pas compris. As-tu faim? Ah, oh, non, ça va, là. Pas tout de suite, c'est gentil. Je peux-tu m'asseoir? Si tu veux. Merci. Je veux savoir si David va revenir. Non. Je pense pas. Il est mieux pas. Il reviendra pas. Prends-toi une tasse de café. C'est moi qui fais le meilleur. Par hasard, tu saurais pas, il est où le 200$ qui manque dans mon pick-up? C'est correct. Ça va être votre paye pour la job que vous avez faite. Je sais pas de quel argent tu parles. Hey, ça fait 3 fois, je te le dis, niaise-moi pas. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais la seule règle que je te donne, c'est de pas me prendre pour un imbécile. Es-tu clair? Oui. Es-tu bon, mon café? Ouais, il est bien bon. Et puis là, je te niaise pas. Tu veux faire quoi, là? Aucune idée. Je vais pas aller à l'Uni, là. Je vais me trouver de quoi pour septembre, là. Puis cet hiver, ben, je vais me louer un appart, quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Tu verras plus tard pour le reste. Je sais pas, là, je vais... Ben, je peux finir de bûcher du bois, si tu veux. Nasoko Sedo. Nasoko... Hein? C'est la langue de notre famille. Je vais essayer de t'en apprendre un peu, mais même moi, j'en ai oublié un bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir besoin d'une canne à pêche. Ça mord toujours mieux de bonne heure le matin. On va en profiter. OK. Ben, écoute, laisse-moi 5 minutes, là, puis je vais être prêt, là. Je vais me faire une toast, quelque chose. Attends 2 secondes. Reste-toi, je vais te montrer quelque chose avant de partir. C'est une cassette vidéo de 1989 qui était dans la boîte que vous avez bougé hier. Ce jour-là, on faisait une grande fête pour ma grand-mère Alice. Zélia était là. C'est la seule fois que je l'ai vue de ma vie, je pense. L'image est pas bonne, mais c'est pas grave, c'est la chanson que je veux t'entendre. Ils ont chanté ensemble, les deux sœurs. C'est une vieille mélodie de leur jeunesse. Après, je te ferai un bon déjeuner. Vous venez d'entendre l'épisode mystère du balado Haut du Lac de Vincent Nolin-Bouchard. Merci à la Caisse des Jardins de Québec, à Première Ovation ainsi qu'à Hydro-Québec.